Chapitre 16e. Toute destinée, si longue et si compliquée soit-elle, compte en réalité un seul moment. Celui où l'homme sait une fois pour toutes qui il est. Jorge Luis Borges. J'ai dû attendre bien longtemps après notre arrivée à la forteresse du dragon, couché pour comprendre la mystérieuse disparition de nos compagnons et ensuite de celle du roi qui nous avait laissés à la porte du sanctuaire au moment du combat. Nous y arrivâmes dans la nuit, empruntant pour plus de sûreté d'innombrables passages souterrains et des galeries aquatiques du monde Ofnid. La fin de ce périple fut tellement éprouvant pour moi que l'on me fit boire à maintes reprises un élixir au goût détestable afin de maintenir une vibration correcte. Les incessants dénivelés entre les galeries sombres et les corridors sous-marins étroits étaient éprouvants même pour mes compagnons elfes. À un certain moment, le roi Esvarine durent même déblayer un passage afin que je puisse m'y faufiler. Mon manque de souplesse et de cette impressionnante agilité qu'ont les elfes en toutes circonstances fut pour nous tous une vraie épreuve. Si, à certains moments, mes compagnons s'arrêtèrent pour un temps de repos supplémentaire en raison de mon humanité, je ne décelais jamais chez eux un signe d'impatience ou au contraire d'empressement excessif. Cette marche forcée en plein territoire secret me fit comprendre, une fois encore, à quel point je faisais partie des leurs. J'étais d'une autre race et cependant égal à eux. Chaque pas dans ces profondeurs me ramenait vers une conscience profonde et inaltérable que ma définitive destinée était dans cette dimension. Enfin, nous sortîmes des ténèbres. Dehors, le soleil se couchait dans une incroyable splendeur carminée. Nous étions sur les hauteurs d'une lande immense, au centre d'un cercle de hauts rochers, sentinelles immobiles, que le hasard seul n'avait pu agencer de cette manière. La lande semblait s'arrêter brusquement quelques dizaines de toises plus loin, en un apic vertigineux sur l'océan, que les derniers rayons du soleil tentaient encore d'apprivoiser. Ce furent des bourdonnements dans les oreilles et un long sifflement qui me sortirent de l'espèce d'hébétude glacée qui m'enveloppait. Instinctivement, je levai la tête dans la direction du sifflement. Je distinguais d'immenses oiseaux parcourant le ciel. Ils volaient à une altitude telle, je m'en fis étrangement la réflexion malgré ma fatigue, qu'il devait être bien au-dessus des quelques nuages empourprés qui s'effilochaient au-dessus de nos têtes. Le roi se tourna vers moi, grave et attentif. Pour la première fois, il prit à la façon humaine mes deux mains dans les siennes. Probablement avait-il senti à ce moment-là combien j'étais démuni, en tant qu'humaine, après les assauts mystérieux des derniers jours et notre périple souterrain. Combien ma faiblesse m'épouvantait en effet, devant les dangers auxquels rien ne m'avait préparé en Numania et devant cette immense fatigue inhérente à mon état vibratoire. Je vis dans son regard qu'il savait tout cela. Lui aussi était là. Sa placide sérénité avait laissé la place à une inquiétude bien éloignée des fondements de son être. Ce fut la seule et unique fois où il m'apparut perdu, lui aussi démuni, devant cette nouvelle destinée. Je trouvai alors la force de lui sourire un peu gaillardement, et je mis dans ce sourire tout ce qui me restait d'énergie. Je posai mon front contre le sien à la façon elfique. « Je suis l'Elgara qui a bu la fleur d'Arnancor, » dis-je silencieusement à tout son être. « Qui sont-ils pour vous faire peur puisque je suis là ?» Il ne répondit pas, accueillant mes pensées, comme un instant d'accalmie dans une tempête. Avec une lenteur qui me sembla démesurée, il recula d'un pas. Il laissa mes mains avec un soupir léger, puis me donna une légère chiquenaude sur le front. « Oh, impertinent Elgara !» Je vis qu'il souriait. Il avait repris son air calme et serein. Il s'avança vers Svarine et Yacht, qui débouchaient eux aussi du souterrain. Il parla un court moment avec eux et me rejoignit. « Nous ne pouvons vous laisser nous accompagner jusqu'à la forteresse. » Il m'indiquait une étrange brume flottant sur l'eau. « Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas, et les sentinelles qui devaient nous accueillir ne nous envoyaient aucun signal. » Il me fit asseoir contre une haute pierre qui dominait toutes les autres. « Ici, seulement ici, vous êtes en sécurité. Quelqu'un veillera sur vous et vous mènera là-bas lorsque nous serons certains que tout danger est écarté. » Il insista. « Vous ne devez en aucun cas quitter cette pierre. » Je lui fis signe que j'avais compris. Il posa ma main gauche à plat sur la pierre et, posant sa main sur la mienne, s'inclina un instant en un dialogue silencieux et mystérieux avec l'immense roche. Ils s'enfuirent tous les trois dans la semi-pénombre de ce début de nuit. La pierre contre laquelle j'étais semblait se réchauffer et devenir vivante dans mon dos. Je laissai aller mes pensées dans le monde de la non-attente. Épuisé, je m'endormis. Je ne me souviens de rien d'autre, si ce n'est d'une silhouette immense qui se penchait vers moi. La gigantesque créature me souleva en me donnant un vertige qui prit la dernière parcelle de conscience qui me restait. J'eus l'instinct de m'accrocher à la roche qui me soutenait, mais la créature semblait être la pierre elle-même. Conscient de la vibration bienfaisante qui m'enveloppait et voulant faire bonne figure, je murmurai lamentablement « Bonjour, monsieur le bon géant ». Puis je me laissai glisser dans un engourdissement qui semblait imposé par la créature elle-même. Lorsque je me réveillai, le soleil était au zénith. J'étais dans une sorte de cellule de moine, minuscule et lumineuse. La porte, largement ouverte, dévoilait un bout de ciel bleu au-dessus d'une balustrade de lourd granit immaculé qui réfléchissait le soleil du zénith. De haut, on entendait les cris des oiseaux de mer et la voix familière du Ylfgeur, dont le timbre tonitruant envahissait jusqu'à l'espace de l'austère chambre dans laquelle je me trouvais. Je tentai de bouger maladroitement. Le mouvement que je fis attira l'attention du sage Ulgar, qui sommeillait sur un inconfortable banc de pierre. Il se leva lentement et vint vers moi. Son sourire bienveillant finit de me rassurer. Il prévint mes questions avec son bon sourire et commença. « Voici 2 jours que vous êtes arrivé à la forteresse. » Au geste que je fis, il comprit ma question non formulée et me tranquillisa en indiquant la porte. « Tous nos compagnons sont ici. Le roi vous expliquera lui-même ce qui a motivé la dernière précaution. » Il examina les nombreuses égratignures et les blessures qui déjà commençaient à cicatriser. Puis, prenant la peine de s'asseoir près de moi, il expliqua. « Malheureusement, le temps n'est pas au repos, car sans soins appropriés, votre blessure ne guérira pas. Seuls les dragons peuvent annuler les effets de la blessure. Je crains que nous n'ayons que peu de temps avant de nouveaux combats. » Sur ces entrefaites, le roi apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait revêtu la longue tunique grenade et drachnite, ouverte sur les côtés. La souple et légère côte de maille brillait d'un éclat insolite. Un fin torque d'or et de cristal enserrait le cou du monarque. Il m'apparaissait pour la première fois dans le rayonnement de son énergie guerrière. Comme je tentais de me lever, il me fit signe de rester allongé, m'imposant par sa volonté de ne pas bouger. Mais j'avais déjà ressenti et perçu, avec mon premier mouvement, la gravité de ma situation. La cicatrice de feu que m'avait laissée Tully s'était, pendant notre dernier périple, propagée à tout mon côté droit. Des marbrures sombres parcouraient tout le bras et le haut du corps, allant jusqu'à ma colonne vertébrale. Je sentais tout cela avec une conscience aiguë. Mon œil droit était quasi fermé, occulté par une espèce de tache blanche intérieure. Je regardais le roi, il me considérait gravement. Confiante, je grimaçai un sourire. « Tully va me guérir. »« Tully ne peut rien en ce moment. »« Oui, il peut. » Je sentis la force considérable m'envahir, prendre possession de moi comme jamais encore elle ne l'avait fait. Le roi me regarda, resta un long moment en silence. Nous risquons d'être attaqués à tout instant. La moindre faille. Il ne finit pas sa phrase. Mais vous avez dit, il faut de longues semaines, voire des mois de préparation pour supporter l'initiation. Nous n'avons plus le temps. J'ai bu la fleur d'Arne encore. Nous ne parlons pas d'une fleur. À ce moment-là, un grondement lointain, comme un coup de canon, se fit entendre. Le roi resta immobile. Une sentinelle drachnite arriva peu après. Le roi communiqua silencieusement avec lui, puis revint vers moi. Le visage grave, une lueur bleutée commençait à l'envahir petit à petit. Il allait parler, mais une secousse telle retentit que nous fûmes submergés par les vibrations. « Je veux faire l'initiation. Votre humanité ne le supportera pas. Il n'y aura personne pour vous accompagner lorsque les ombres entreront en Elphinie. » Une autre secousse retentit. Je m'haussai, je ne sais pas comment, me mis maladroitement à sa hauteur et ouvris mon esprit. Ce qui l'élu le laissa méduser un instant. Alors qu'une autre secousse retentit, il fit une rapide volte-face, appela un garde et donna quelques ordres brefs, rapides. La lueur qui l'entourait emplissait déjà toute la pièce et se propageait rapidement au-delà de la forteresse. « Suivez-moi » ordonna-t-il. En sortant de la chambre, je fus aveuglé par la lumière intense du soleil de midi. Je ne sais pas où je trouvais la force de suivre les pas rapides du roi. Il fit signe au marchand qu'on lui apporte une torche. Au-devant de nous, les portes s'ouvraient rapidement. Un garde tendit au roi une lourde épée, un autre la torche demandée. Les coups redoublaient au-dessus de nous. Nous prîmes la direction d'une tour et la longue descente commença. Les corridors puis les marches devinrent de plus en plus étroits. Les portes s'ouvraient et se refermaient derrière nous avec des cliquetis d'oubliettes. Finalement, nous arrivâmes devant une massive porte en pierre. Le roi baissa la tête un instant en s'arrêtant devant la porte, puis, avec les deux mains, il poussa les battants. Nous nous retrouvâmes devant une immense crypte de granit noir. Tout était sombre, pourtant je distinguais une série d'énormes sarcophages de pierre sombre de différentes tailles et de différentes couleurs. Le roi se dirigea vers l'un d'eux, actionna un invisible mécanisme. Un premier couvercle s'ouvrit, puis un deuxième. Le roi fixa la torche sur un trépied disposé au flanc de l'immense cénotaphe. La flamme éclaira alors le dernier cercueil, sur lequel on pouvait lire, gravé dans la pierre, des mots qui laissèrent le roi une nouvelle fois abasourdi. Je pris la parole, avec douceur, car je savais que se jouait là une part importante de l'histoire des humains et des elfes. « Je suis l'Elgara, venu pour cela en Elfini. » Le roi se tourna d'un geste rapide vers moi. Il me prit la tête entre ses mains, et en moi s'infiltrèrent des ordres, des pensées, d'abord confuses, puis très claires, précises. Je suivis les ordres et les pensées. Le roi s'éloigna pendant que j'ôtais mes chaussures et tous les accessoires et breloques que je portais. Puis, plus lentement, j'enlevai mon collier et mes deux bracelets. Au bout de quelques minutes, le roi revint. Quelques instants après, deux gardes se postèrent devant le sarcophage. Svarine et Yagd arrivèrent ensuite et, déjà prêts, s'allongèrent dans des sarcophages qui furent rapidement refermés par les gardes. J'admirai le calme de tout le monde. Je me tournai vers le roi, lui tendis la bourse d'algues où veillait mon ami l'anémone et rentrai lentement dans le chaos glacé. Un instant, la peur s'empara de moi. Le roi s'approcha au-dessus de moi. Je vis son regard s'assombrir. Au-dessus de moi, la pierre sculptée se referma. Alors, j'appelai Tuélie. Coulé dans de l'or pur à même la pierre, émergea de l'obscurité le blason de mon ancêtre, le chevalier Hugues de la Roque.